Alors, les élites de Jonquière ou de Ville-Saguenay ont causé une surprise hier en faisant le collège Notre-Dame. Si je m'abuse, c'est l'équipe de Rivière-du-Loup. En 4 matchs, et on parle avec un instructeur, Steve Thériault. Salut, Steve! Oui, salut. Steve, l'année passée, les élites, on s'attendait vraiment à une grosse année. Vous aviez eu une belle année, puis en série éliminatoire, ça avait fait patate un peu. Là, finalement, cette année, il n'y avait pas trop d'attente, puis vous avez passé le premier tour. À quelque part, ça doit satisfaire un peu. Va être un petit Oui, bon. exactement, mais tu sais, l'an passé, sa patate, tu sais, on avait passé la première ronde quand même, puis les Ouais. séries, tout peut arriver. On s'est incliné là, en 4 parties contre Lac-Saint-Louis, ceux qui ont gagné les séries. Puis cette année, ben, moi, honnêtement, cette année, je pense qu'on joue du meilleur hockey que l'an passé à la même date. L'an passé, on courait après le championnat là, de la première position, puis tout ça. On avait vécu, tu sais, on avait quand même dépensé beaucoup d'énergie. Puis cette année, là, beaucoup d'adversité avant les fêtes, puis depuis. Défendre, là, depuis le challenge budget 3 Gatineau, là, on joue avec beaucoup de conviction, beaucoup de confiance, puis on joue de très gros hockey présentement. Okay. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, c'est une nouvelle saison, il faut toujours se dire ça. Est-ce qu'il y a eu un message? Est-ce qu'en série, ce qui est important, c'est d'amener d'arriver avec un pic? Est-ce que tu as senti ça vraiment en fin de saison, vraiment? Ben, tu sais, c'est oui, exact. Puis, tu sais, depuis qu'on est retour des fêtes, là, depuis janvier, on a voulu être en mode série, là, immédiatement pour, justement, là, pour que ce soit une switch, là, qu'on vire, là, juste au moment des séries. Puis, on a découpé, là, les 12 matchs qui restaient, là, en mini-série 3-5, là, justement, pour s'habituer à ce mode-là. Puis, pour ce qui est du reste, là, c'est justement ce qu'on a vécu, là, tout au long de la saison. Qui fait en sorte que on a eu des downs présentement, comme tu dis, là, on a piqué au challenge, puis on est en train de repiquer en fait en série d'éliminatoires, puis je pense que si on vit un peu l'inverse de l'an passé, là, si on peut dire. Ben, c'est justement, c'est agréable. Si on parlait maintenant du Collège Notre-Dame, c'est l'équipe de Rivière-du-Loup, c'est ça? Ouais, exactement. OK. Eux, il y avait une grosse équipe, je pense, hein? Ouais, terminé deuxième au classement général, puis nous, pour les avoir affrontés 5 fois, on les avait battus seulement qu'une fois. On avait déjà mangé, là, ben mangé, on a déjà eu des défaites dans le début de saison là-bas, là, de 9-1 Oui, en monsieur. octobre, là, puis ça démontrait un petit peu l'écart qu'il y avait en début d'année, puis l'évolution, là, tu sais, la progression qu'on a pu avoir, là, ben les joueurs individuellement, puis aussi, là, en tant qu'équipe, là, une bonne progression, là, à partir du début. Puis tu sais, ça a été comme j'ai déjà dit, on savait les éléments qu'on avait, les ingrédients qu'on avait, on était satisfait de ça, mais il a vraiment fallu le cuisiner longtemps, puis pour s'assurer que là, que la sauce prenne comme il faut. Puis ce qui est important, c'est que on puisse savoir, là, ce qu'on avait prévu en début de saison, qu'on puisse savoir en ce moment. OK. Hey, parle-moi. Moi, c'est sûr quand je m'adresse à des équipes du Saguenay, soit au hockey, soit au football, évidemment, j'essaie d'amener ça au point de vue local, parce que c'est une radio qui est plus locale que l'eau du lac. Y a-t-il des joueurs de Saint-Félicien, de Dolbeau-Mistassini, de Roberval qui se distinguent cette année avec les élites? C'est dur pour moi de savoir, là, vraiment, là, je sais, des joueurs qui viennent du lac, là, Ouais. savoir de quel endroit exactement, là, des fois, Tu un sais, il y petit a peu, Charles j'ai Tremblay, pas en apparemment. mémoire. Il y aurait un. Charles Tremblay, lui, il s'est amené chez nous à partir des fêtes, là, OK. qui va vivre le Marcos Spa avant les fêtes. Puis ça, on est très content de l'avoir avec nous en ce moment. Il nous amène du très, très gros hockey, là. Charles, c'est un jeune homme qui est très intelligent sur la glace, puis il possède beaucoup d'habileté, puis il travaille excessivement fort. Ça nous amène une belle profondeur. Puis on a aussi Mikizu Awashish, qui est un jeune de 15 ans, là, qui arrive du Bantam 2A, là, du lac, qui a eu à avoir une progression, justement, là. Mikizu, présentement, fait partie des succès, justement, de l'équipe, là. Son jeu, là, s'est incroyablement amélioré, là, depuis le début de la saison. Puis joue avec beaucoup de confiance, beaucoup de combativité en ce moment. Par la suite, là, des Mathieu Boulian. Ouais, il vient de où, lui, hein? Mathieu Boulian vient de où? Ouais, c'est ça. Il vient du lac, mais je ne sais pas de quel endroit exactement. Pas si là. Les mêmes bouillantes. Il évoluait. Pardon? Je ne sais pas si c'est les mêmes bouillantes que les bouillantes de Tolboum-Sessny, pas probablement. Ouais, je ne pourrais, ouais, ben, okay. pourrais pas vous dire. OK, OK. Puis ensuite, Marc-Olivier Tremblay, qui vient également là, du lac, je ne sais pas nécessairement spécifiquement à quel endroit. Puis vite comme ça, là, c'est à peu près là, ce okay. qui vient dans. Comment tu vois la deuxième série? Ben, tu sais, présentement, il reste trois séries okay. Qui sont à la limite, que les matchs vont se jouer demain soir. C'est vraiment suite à ça là, qu'on va savoir contre qui qu'on joue le bout. Je crois qu'il y a encore il y a cinq possibilités là sur cette équipe là qu'on peut affronter là alors qu'on se parle. Donc ça va vraiment être demain soir là, qu'on va pouvoir avoir l'heure juste. Puis ça peut être Québec là, la meilleure équipe de la Ligue là. Comme okay. ça peut être une surprise, là, justement, là, Trois-Rivières qui est terminé 7e, quelque chose comme ça. Ça dépend vraiment là, de qui va gagner les matchs ultimes demain. OK. Si on parlait maintenant de. Si on parlait des joueurs. Écoute, moi j'en entends parler, là, c'est sûr, mais j'ai trois, je ne suis pas ça du tout, mais j'entends parler de trois joueurs, puis je veux avoir ton appréciation. Lafrenière, Parent, Xavier Parent, ça fait une éternité qu'on entend parler, et aussi le fils à Patrick Poulin. T'es affronté. Est-ce que c'est vraiment, on dit que c'est des trois prospects exceptionnels pour le repêchage? Ben, j'ai pas seulement qu'affronté, là, j'ai aussi côtoyé dans le programme moins de 16 ans avec Hockey Québec, là, dans le programme estival, c'était l'été dernier, puis aussi, durant le temps des fêtes, là, on a eu une compétition, là, durant le temps des fêtes avec les meilleurs 15 ans, dont on faisait partie, là, c'est les jeunes que t'as nommés. Écoute, Xavier Parent puis Samuel Poulain, c'est deux jeunes qui évoluent là, pour rester à Blondin. Deux jeunes qui ont toujours joué ensemble puis ont été surclassés l'an dernier là, dans la Ligue Midget 3, toujours dans le Tam à 14 ans. Ils ont évolué dans le Midget 3 à 14 ans. Donc c'était comment je pourrais dire très normal là, que cette année là, ils puissent faire partie là, des 3-4 meilleurs candidats là, pour le prochain repêchage. Samuel Poulain, un gros bonhomme, ressemble beaucoup à son père. Là. Ouais. Très bon plairier, puis fait tout sur une glace, là, très responsable. Là. Joue avec beaucoup de professionnalistes. Xavier Parent, comme tu dis, on en a parlé, ça fait excessivement longtemps. Beaucoup d'habileté, vision du jeu, vitesse des mains, vitesse des pieds. Complète bien Samuel, justement, là, sur un trio. Puis terminé, là, Alexis Lafrenière, lui, il a évolué dans le bantam, pas été surclassé. Par contre, c'est vraiment le meilleur joueur qui va être disponible le prochain repêchage. Là. C'est un marqueur, ça. Ouais, c'est un marqueur qui fait tout. Tu sais, j'ai pas peur de dire là, qu'il est assurément qu'il va évoluer là, dans la Ligue nationale un jour. Là, vraiment, là, un talent là, comme on en voit très rarement. Là. T'sais, vision, les mains, la vitesse, le gabarit. La combativité et tout ça, là, vraiment, vraiment conflit. Puis en plus, les trois, c'est des gentils jeunes hommes, là, dans le sens, c'est des bonnes personnes, puis des très bons individus. OK. Ben, Steven, on va s'en reparler après la deuxième série Superman. Ouais, y a pas de problème. Voilà, donc l'instructeur-chef des élites de Jonquière, Steven Thériault.